Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mercredi 7 juillet 2021, il est un peu plus de 14h, il est presque 14h01. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guémozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, exceptionnellement aujourd'hui, Pascal, bassiste du groupe Toka Cake, qui est là pour nous parler de l'histoire du groupe Toka Cake et de leur album intitulé Enfermé, entre autres. C'est vrai, hier, à la fin de l'émission, j'avais annoncé que ça serait Joe, le chanteur du groupe, qui serait mon invité, mais suite à un contretemps dont il m'a prévenu, c'est Pascal qui le remplace, mais c'est très bien aussi. Donc, bonjour Pascal. Salut. Comment ça va ? Écoute, ça va pas trop mal, un peu près de court, parce que, comme tu l'as dit, Jojo, il y a un petit souci, mais il n'y a pas de souci, on va faire ça correctement, il n'y a pas de problème. Mais oui, ça va bien se passer. J'espère. Oui. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter, toi, en quelques mots ? Écoute, moi, je suis Pascal, tu l'as dit tout à l'heure, je suis bassiste du groupe Toka Cake, donc j'ai un peu d'expérience dans la musique, J'ai suivi quelques cours dans différentes écoles et pas plus que ça. Je joue dans le groupe avec mon frère, Sylvain, qui est guitariste, donc ça aide beaucoup dans les liens, forcément. Mm-hmm. Et puis on a rencontré Joe et de là on a réussi à trouver un batteur et comment il commençait l'histoire un peu. D'accord. Et donc maintenant, peux-tu présenter le groupe Toka Cake en quelques mots toujours, vu qu'on va détailler durant toute cette heure d'émission? Le groupe Toka Cake, c'est un groupe de rock fusion métal, gardois en Occitanie, donc un peu lointain de vos contrées du Grand Est, mais c'est bon, vrai. Voilà. Qui a maintenant 5-6 ans, on va dire, voilà, ouais. D'accord. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme toutes les semaines désormais, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact. Donc bonjour Géraldine et merci Géraldine de nous avoir mis en contact. Effectivement, ils font un gros travail, Le Bureau de Lilith. C'est vrai. Surtout dans la période, c'est pas simple. Ça fait quand même du bien d'avoir un coup de pouce comme ça. J'imagine bien, oui. Donc, avant de parler de ta carrière, de la carrière de Toka Cake et de l'album du groupe à proprement dit, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait des études musicales. Oui. Où est-ce que tu les as faites, ces études? Je les ai faites sur Paris, à l'American School. Ok, d'accord. Et donc, ton style de, le style de musique du groupe, tu l'as dit également, c'est rock fusion metal. Oui, le rock fusion, parce qu'en fait, on est tous d'horizon vraiment différent en termes de musique. D'accord. Aussi bien Sylvain est un peu à la guitare, c'est un peu Satriani, un peu ce style-là, beaucoup plus agressif. Mm-hmm. À la base, j'ai plutôt des tours un peu funk, et à la batterie, c'est un peu plus hip-hop, on va dire. Voilà. Donc le tout, ça se fait un truc au chant, Jojo. Il est à l'origine des fans de tout ce qui est guitare sèche, très calme, et en même temps, Rage Against the Machine, c'est un peu le dénominateur commun de tout le monde. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc justement, quand vous avez créé le groupe Toka Cake, donc quand il l'a créé avec les autres membres, est-ce que c'était cette volonté de diversité de genre que vous aviez qui avait en tête? Quand le groupe Toka Cake a commencé, on n'était pas du tout sur ce projet-là. D'accord. À l'origine, on avait vraiment fait ça, pour être très honnête, pour refaire un truc et passer du bon moment. Voilà. Ça faisait quelques temps que tous, autant qu'on était dans notre coin, on n'avait pas de projet, rien. Et on s'est dit, tiens, ça serait vraiment bien de refaire de la musique pour s'amuser. Et on est reparti de ça. Et de là, les choses se sont un peu enchaînées. Notamment avec le tremplin Emergenza, en fait. Voilà. Ça a été déclencheur pour Toka Cake. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le groupe Toka Cake, tu l'as dit tout à l'heure, il existe depuis 4-5 ans à peu près. Voilà. Donc, ce projet musical dont on va parler durant toute cette heure d'émission, donc Enfermé, est-ce que c'est le premier projet musical du groupe ou est-ce qu'il y a déjà un ou plusieurs albums, EP ou autres auparavant avec Toka Cake, ou pourquoi pas, est-ce que tu as déjà des projets en solo auparavant? Alors, oui. Alors, Tokakek, c'est un concept, en fait, hein, vraiment. Hein, c'est la conception de vivre ensemble, de tolérance réelle. Et ça se traduit déjà par la disparité du groupe, puisqu'il y a deux anciens et deux jeunes dans Tokakek. Voilà. Il y a deux musiciens un peu plus... Enfin, pas plus confirmés, ça n'a rien à voir. C'est avec un peu plus d'expérience, on va dire, d'autres expériences, d'autres groupes, de EP, d'albums. D'accord. Et deux camarades de jeu qui, eux, sont vachement plus jeunes et c'est un peu leur premier projet en tant que tel. Et même s'il y en a un, c'est un projet, certainement le premier projet le plus sérieux qu'il ait fait, alors qu'il a vraiment bourlingué, il a 25 ans, mais il a vraiment bourlingué. Hein. Et c'est Loïs à la batterie. Mmh. D'accord. Et voilà, et après, la disparité fait que oui, on a tous un peu d'expérience. Mais finalement, on a découvert plein de choses nouvelles ensemble, en fait. Et c'est ce qui fait la force de Tokakek. Je le disais tout à l'heure, le tremplin Emergenza, en fait, à l'origine, on le fait vraiment comme ça, sans aucune ambition, et on finit par gagner la finale au Rockstore à Montpellier. Et du coup, on se retrouve à jouer au Bikini à Toulouse le lendemain, où l'on finit, second, Sylvain remporte le prix de le meilleur guitariste d'Occitanie. D'accord. J'aurais gagné une Ibanaise. Et ça nous a mis un peu le pied à l'étrier, on va dire, voilà. D'accord. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui pour, du coup, parler de l'album de Tokakek intitulé Enfermé. Donc, quand est-ce que cet album est-il sorti? Alors, en fait, il est sorti... il a été enregistré chez Frédéric Duquesne. Mm-hmm. Frédéric Duquesne, pour peut-être les auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est le guitariste de Mass Hysteria, et c'est aussi le producteur de No One Is Innocent, bon, Mass Hysteria, forcément, hein, tous les derniers albums, c'est lui qui les a faits, Ultra Vomi, Tagada Jones, cette mouvance-là, Trio aussi. Mm-hmm. Et donc on a enregistré cet album chez lui en 2019, donc c'est pas tout jeune. D'accord. Et en fait, l'album devait sortir initialement en avril 2020, et donc rien à voir avec le titre Enfermé, rien à voir avec l'actualité, en fait. Hein. D'accord. Et derrière, il s'est retrouvé un peu coincé avec le confinement, et notre label a décidé de le sortir au mois d'octobre 2020. Donc il est sorti en octobre 2020. D'accord, oui, donc ça fait même pas un an encore pour l'instant. C'est ça. Et donc, en préparant cette émission, en préparant mes questions, j'ai écouté du coup l'album Enfermé, et pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement, pourquoi ce titre de Enfermé? Car comme tu viens de le dire, ça n'a aucun rapport avec l'actualité. Donc pourquoi ce titre Enfermé? Alors, pour ceux qui écouteront l'album, il y a une cohérence, c'est qu'en fait, on dénonçait un peu les enfermements, toutes les sortes d'enfermements, qu'elles soient physiques, psychologiques, numériques. On est quand même dans une drôle de période, alors sans parler du confinement, hein, vraiment, une période où on s'enferme quand même dans des carcans, des process, des pensées, enfin voilà. Et en fait, on voulait dénoncer ça pour exposer tout ça et s'ouvrir à tout, en fait, voilà. D'accord. Si je devais faire le pitch en très rapide, c'est ça. D'accord. Et donc, le groupe s'appelle Tokakek, mais pourquoi ce nom Tokakek? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est du... C'est du span-anglais, en fait. D'accord. Toka pour toucher et cake, le gâteau. D'accord. Voilà. Toucher le gâteau parce que on considérait que on voulait toucher un peu notre rêve, en fait. Voilà. Donc, toucher le gâteau, ben, c'est d'ailleurs sur la pochette qu'il est représenté par un gâteau en forme de monde et un aiguillon. Écoute, si certains d'entre vous le verront. C'est toucher nos rêves, en fait. Voilà. Tout à cake, c'est toucher au but. Et le gâteau, ben, voilà, c'est une façon imagée de devenir un peu le but dans lequel on était parti, quoi. D'accord. Donc il est 14h10, avant d'approfondir le sujet, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans un premier titre de l'album, et que nous écoutions le morceau intitulé New Friends, que l'on pourrait traduire en français par Nouveaux Amis. C'est d'ailleurs le premier morceau de l'album, c'est bien ça? Ouais. Ok. C'est ça. Est-ce que nous avons le droit, pourquoi pas, à un clip de cette chanson sur Internet? New Friend, non, sur Internet, il n'y aura pas de clip sur New Friend. D'accord. Il y en aura, d'ailleurs, sur le choix, on va dire que les choix des extraits, il y a 3 clips à l'heure actuelle, le 4e est en préparation, il doit sortir au mois de septembre. D'accord. D'accord. Et donc, est-ce que ça te va qu'on écoute ce morceau New Friends? Ah ben non, très bien, ben parfait. Parfait. C'est l'entrée en matière. Voilà. Donc, on écoute New Friends de Toka Cake et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h14, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogamozo.radio-website.com/ partout en France. Vous venez d'écouter Toka Cake avec leur morceau New Friends tiré de l'album de Toka Cake intitulé Enfermé. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, sous ce petit soleil, on va dire. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ça fait du bien. Et donc, si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et évidemment, nous vous souhaitons une bonne route. Et nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Pascal, du groupe Toka Cake, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de cet album. Ça va toujours ? Impeccable. Parfait. Donc, avant de reprendre cette émission, y a-t-il quelque chose en particulier que vous souhaitiez raconter avec le groupe à travers ce morceau « New Friends » ? Bah oui, évidemment, New Friends, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est des nouvelles rencontres, en fait. Comme je disais tout à l'heure, en tout cas, Cake, c'est vraiment un concept, et on voulait commencer d'ailleurs l'album comme ça, en disant, voilà, bienvenue chez nous, bienvenue avec nous, bienvenue ensemble, on va faire un bout de chemin ensemble. Il y a 9 morceaux qui arrivent derrière, et c'est vraiment un morceau d'accueil, quoi. nos nouveaux amis, quoi. Voilà, bienvenue dans le concept et à chaque fois qu'on fait des concerts, à chaque fois, ce morceau, il a une saveur particulière et voilà, on est riche des nouvelles rencontres qu'on fait, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. C'est comme ça qu'on conçoit le concept au cacaque. D'accord. Donc nous allons reprendre le cours de cette émission, comme nous le disions au début de cette émission, et nous en avons un petit peu parlé. Tokai Keg, c'est donc un groupe de musique. Donc on va peut-être rappeler les autres membres dans ce groupe et leur poste. Ouais, il y a Geoffroy qui est au chant. Mm-hmm. Ensuite il y a Sylvain qui est à la guitare, il y a Loïs qui est à la batterie et moi donc Pascal qui est à la basse. D'accord, et donc comme tu l'as dit tout à l'heure, donc du coup Sylvain c'est ton frère. Sylvain c'est mon frère, oui, voilà, ouais. Il y a deux, la particularité c'est qu'il y a deux frangins dans le groupe. Voilà. Et donc du coup avec les deux plus jeunes, parce que vous êtes les deux plus expérimentés avec ton frère, donc pour les deux plus jeunes, est-ce que vous étiez mis avec eux pour on va dire partager oui votre expérience, je suppose que oui. Ah oui, bien sûr. On partage nos expériences. Alors, c'est sûr qu'avec mon frère, on a joué longtemps, en fait. On a fait pas mal de projets ensemble, en fait. Jojo, quand il est arrivé dans le groupe, c'était vraiment son premier, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, hein, même quand Louis est arrivé, en fait, on découvre de choses nouvelles tous ensemble. C'est-à-dire que malgré l'expérience, malgré le fait qu'on soit un poil plus âgé, on découvre les choses pour la première fois en même temps que, et c'est ça qui est vraiment vraiment cool, quoi. Que ça soit jouer au Dock des Sud devant 2500 personnes, que ça soit aller à la fête de l'UMA jouer devant pareil 3 ou 4000 personnes, plein de choses comme ça. Malheureusement je pense qu'on avait des rendez-vous qui étaient le confinement nous a privés, puisqu'on était prévu au Hellfest, on était prévu aux Eurocaennes, on était prévu dans pas mal de choses, mm-hmm. la scène de l'UMA aussi, c'est quand même des scènes qui vont nous manquer, parce que pour le coup ça a été reprogrammé, mais ça a été réannulé, donc oui. Je sais pas si un jour on va y jouer sur ces scènes quand même. À chaque fois, c'est presque, et puis non, finalement non. Donc voilà, mais on, ouais. On découvre plein de choses ensemble. La première fois qu'on a été quand même chez Frédéric Duquesne, c'est pas rien d'aller enregistrer chez lui, quoi. C'est une grosse expérience, hein. Bah oui, surtout quand, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on sait avec, quand on connaît tous les autres groupes avec qui il a travaillé, Ultra Vomit par exemple, c'est quand même Ultra Vomit, c'est quand même un groupe, quoi, dans la musique metal rock, donc c'est très, j'imagine que c'est très gratifiant de travailler avec Fred Duquesne. Ah, c'est plus que gratifiant, Fred, il nous a fait prendre beaucoup d'expérience, il nous a fait franchir un palier, hein, clairement. Tokakek, n'était pas les mêmes en sortant de... Parce qu'en plus, on a resté 6 semaines en enregistrement, hein, on n'a pas fait semblant, quoi. Mm-hmm. Donc, on est ressortis tous de ces 6 semaines très, très enrichis, et avec, on a franchi tous un palier sans problème. Et puis, grosse expérience, hein, Fred Duquesne, c'est comme le guitariste de Watcha, le guitariste de Mass Hysteria, enfin, je veux dire... Lui aussi, il a quand même beaucoup, beaucoup roulé sa bosse et beaucoup d'expérience. Et en termes de production et de direction artistique, il était tout simplement gentil et bienveillant. On va dire ça comme ça, parce qu'il y a des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, il était gentil et bienveillant. Voilà. D'accord. Donc, tu l'as dit un petit peu plus tôt, ton style de musique, enfin, le style de musique du groupe, c'est plutôt orienté vers le rock avec rock metal. Donc, pourquoi avoir choisi ce style de musique en particulier et pas un autre style? Alors le style, c'est un vrai problème français, ça. D'accord. La vraie problématique chez nous en France, c'est justement essayer de caser les groupes dans une case, en fait. Et la problématique, c'est que Tokakek, elle rentre quasiment dans aucune case. Alors, il y a même une chronique anglaise qui disait ils nous auraient classé metal hip-hop ou hip-hop metal. Donc voilà, c'est très compliqué à gérer pour ceux qui écouteront l'album, parce que il y a une cohérence sur l'album, il y a une couleur, il y a un son Tokakek, et en même temps on n'est pas métal, on n'est pas fusion, on n'est pas rock, on est tout ça à la fois à chaque fois. D'accord. Donc c'est très très compliqué d'essayer d'expliquer quel style on fait exactement, voilà. Donc justement au niveau des styles du coup musicaux, vous êtes avec Tokakek très diversifié, comme en fait comme les quatre membres du groupe. Oui, c'est ça, oui, mais bien sûr. bien sûr. Chacun s'exprime, en fait, chacun apporte sa pierre, et comme c'est pas des, enfin, les pierres ne viennent pas toutes du même endroit, bah forcément, ça fait une structure un peu originale et, j'aurais tendance, unique. Hein. Mmh. Eh ben, oui, c'est vrai. Parce qu'en écoutant, c'est vrai que j'ai écouté l'album, comme je le disais tout à l'heure, en préparant cette émission, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est difficile de vous mettre justement dans une case, car il y a plusieurs styles qui ressortent. Mais d'un morceau, enfin, suivant les morceaux, on peut nous mettre partout, en fait. On a compris une balade, hein, qu'on écoutera, je crois, tout à l'heure. Mais voilà, donc en fait, voilà, il y a plein de styles, il y a plein de choses qui se. On a eu beaucoup de chroniques en fait très très favorables à la sortie de l'album, et il y a une chronique allemande qui disait ouais, c'est un pavé dans la mare, parce que c'est un label métal qui nous signe, hein, c'est MRO Music. Mm-hmm. Et, mais en même temps, c'est chanté, il y a des chœurs des fois, donc bon voilà, on est loin du metal death ou du black metal ou du metal tout court. Hein. Et en même temps, c'est pas non plus du rock, parce que il y a des couleurs et des sonorités qui sont quand même métal. Mmh. Pas pour rien qu'on était chez Fred Duquesne non plus, quoi. Eh oui. Donc c'est très très compliqué de nous mettre dans une case. C'est vrai. Donc, en faisant mes recherches, du coup, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire qu'avec Toka Cake, tu laisses à la fin de la soirée musiciens et spectateurs éreintés. Donc que signifie pour toi le fait que les musiciens et les spectateurs soient épuisés à la fin de la soirée? Alors là, par contre, s'il y a un truc qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est qu'il y a une grosse, grosse énergie sur scène. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on gagne Emergenza. Hein. C'est que sur scène, ça, voilà, ça envoie. Jojo, il envoie vraiment du lourd, vraiment, vraiment. Et du coup, eh bien, les spectateurs, c'est un, comme on dirait en mécanique ou en électricité, c'est un moteur asynchrone. Hein. C'est-à-dire que l'énergie qu'on envoie, le public se pique au jeu, renvoie de l'énergie qui nous en donne encore plus, et eux, ça leur en donne encore plus, et ainsi de suite, et ça s'arrête plus. Et effectivement, une heure et quart ou une heure et demie de concert, c'est vraiment éreintant. Vraiment, parce que y a grosse, grosse énergie, vraiment. Et il y a surtout le plaisir. Voilà. Nous, vraiment, quand je le dis, c'est pas pour c'est pas pour la cantonade. Hein. On a un vrai, réel plaisir de jouer ensemble. Mais vraiment, quoi. C'est un pied incroyable. Et justement, prendre du plaisir en jouant, que ce soit avec le public ou même entre vous, entre les membres du groupe, je suppose que c'est, du coup, je ne sais plus ma question. Voilà. Ah oui, c'est la condition presque sine qua non de prendre du plaisir de s'amuser sur scène. J'ai pas tout compris de la question, excuse-moi. Oui, en même temps, j'ai bégayé, c'est normal. Je disais que, en fait, prendre du plaisir en jouant sur scène, que ce soit avec le public ou avec les autres membres du groupe, c'est la condition presque sine qua non quand on est musicien. Oui, mais c'est comme de tout. Comment expliquer ça? C'est comme de tout, on pourrait des fois pas s'enlacer, parce que ce serait pas juste de dire s'enlacer. Tomber dans une routine, ou... Non, c'est un vrai plaisir de jouer sur scène. En même temps, Toka Cake, paradoxalement, on fait pas beaucoup, beaucoup de concerts. On en fait, hein. On en a grosso modo une bonne trentaine par an, minimum. Hein. Mais on n'en fait pas tant que ça, finalement. Je vois les groupes autour de nous... ils tournent comme des avions, et je me dis forcément que si on devait faire le double de date, peut-être que, et quoique, peut-être qu'on aurait moins d'énergie, mais j'en suis quasiment certain que non, parce qu'il y a un vrai, vrai, vrai plaisir d'être ensemble, quoi, voilà, et de partager. On est vraiment, c'est un concept, on est parti sur le partage, vivre ensemble, partager ce moment-là présent ensemble, que ce soit avec le public, nous dans le groupe, mais surtout avec le public. Et enfin, chaque fois ça marche, et à chaque fois on est riche de ce qu'on a, des gens qu'on a découverts, quoi. Je veux dire, à chaque concert qu'on fait de Toka Cake, on a plein de gens qui viennent nous voir à la fin, et on garde les numéros de téléphone et les mails, et on continue à s'appeler, quoi. Je veux dire, on essaye de rester en contact, et d'avoir partagé ce moment-là, ben, ça nous lie pour un moment, quoi. Voilà. Qui des fois va au-delà du moment présent. Bien sûr, c'est une bonne chose de rester en contact avec même les fans ou les autres, d'autres artistes, si vous jouez avec d'autres artistes, par exemple, dans une même soirée. Ah ben bien sûr. Oui, ça aussi, c'est essentiel, les échanges entre musiciens sont primordiaux, même si des fois c'est pas dans les loges, bien souvent dans les backstage et compagnie, c'est pas si simple non plus. Des fois on est tous dans notre bulle parce qu'il y a une prestation quand même à faire. Mm-hmm. Et puis on veut que ça soit du mieux possible, hein, parce que c'est pas, enfin voilà, même si on prend du plaisir, il y a quand même une notion de travail derrière, hein, on a fait une résidence, on a travaillé avec un metteur en scène, enfin on a un vrai spectacle quand même. Mais et donc bien souvent tous les groupes sont un peu dans cette configuration là, enfin les groupes qu'on côtoie, et résultat des courses, bon, tout le monde est un peu dans sa bulle. Par contre, ça se lâche un peu plus après les concerts, ouais. Là, il y a moins de, une fois que la prestation elle a été faite et que le concert s'est super bien passé et que l'énergie on a pu la canaliser avec le public, quoi, c'est super intéressant. J'imagine. Toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que l'identité artistique du groupe se caractérise en quelques mots, une énergie viscérale, presque punk, des mots qui prennent à la gorge, et si on prône toujours des valeurs positives, vous n'hésitez pas à appuyer là où ça fait mal. Il y a également une rythmique qui chaloupe entre rock et métal, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc quand tu as monté Tokakaik avec les autres membres du groupe, était cela l'effet recherché, l'identité recherchée de prendre ceux qui écoutent à la gorge? Non, à l'origine, non. À l'origine, en fait, c'est que le concept, c'est de vivre ensemble et de partager des choses. Et forcément, à un moment donné, quand même tous autant qu'on est, hein, si on est dans cette objectivité-là, fatalement, il y a des freins à ça. D'accord. Et bien souvent, des freins sociétaux. Là, pour le coup, quand on dénonce des choses aussi simplement qu'elles sont dites, quand on dénonce, par exemple, je me rappelle que Jo, sur un morceau, elle dit « Une femme a-t-elle le droit de choisir d'être mère ?» Bon, ben, voilà, ça c'est des vraies questions de société, et en même temps, elle a la légitimité de la poser, la question. Bien sûr. Voilà, et sur l'enfermement psychiatrique, hein, quand Jo, il écrit « À qui font peur tous ces fous qui se baladent dans la rue ?» N'ayons pas peur, mesdames, messieurs, remerciez-les, mesdames, messieurs, d'éviter qu'on vous mette à nu. Parce que ça rassure, finalement, qu'il y ait des fous. C'est vrai. Voilà, et en fait, voilà, et quelque part, c'est de regarder les choses objectivement, de passer des messages, tout en passant un bon moment, et sans culpabiliser personne, surtout. Voilà, l'idée, c'est ça. Oui, c'est vraiment dénoncer, entre guillemets, mais de manière générale, pas pointer quelqu'un en particulier. Ah non, non. Pour le coup, on cible personne, si ce n'est que, comme je disais tout à l'heure, on essaye d'éviter de cliver, justement. La société, elle est suffisamment clivante d'elle-même. Hein, on est pour, on est contre. Aujourd'hui, là, c'est un truc de fou, là. Les vaccins, il y a les vaccins, c'est les vrai. Pro-vaccins, les pas-vaccins. Il y a surtout des gens, des hommes et des femmes et des enfants, quoi. Voilà, point. En fait, tout sujet de société est prompt à cliver les gens. Et en fait, nous, on se dit, ben non, avec notre musique, on veut rassembler les gens. Donc. Voilà. Et on veut aucun clivage. Quel qu'il soit, on n'en veut pas. Donc, en fait, il y a des fois, on est obligé de dénoncer certaines choses ou d'expliquer, enfin, notre façon de voir. On s'est attaqué sur la laïcité. On a un morceau, là, Nos larmes citoyens, qui parle de la laïcité, où bientôt, les gens, à travers la laïcité, on est en train de fractionner la population. Il est bon quand même de rappeler que la laïcité, à l'origine, c'est pour que chacun puisse s'exprimer comme il a envie et pratiquer ce qu'il a envie, sans emmerder son voisin, en fait. Hein, c'est ça, le truc. Hein. C'est vrai. Et bientôt, la laïcité, c'est la neutralité de religion. C'est-à-dire qu'il n'en faut pas, quoi. Et c'est pas ça, l'origine. À l'origine, par contre, c'est la liberté individuelle sans ennuyer le collectif. C'est ça, la laïcité. Et c'est pas simple dans la période c'est des sujets qui sont pas simples. Et pourtant, c'est des sujets qui divisent énormément. Et là, on essaye de faire éclater tout ce qui divise et essayer de rassembler les gens. Parce que les gens, ils sont fabuleux, les gens. C'est vrai. Où qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils sont fabuleux, les gens. C'est vrai. Donc il est 14h30, avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans un deuxième extrait de l'album Enfermé de Toka Cake, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 6 de l'album, morceau intitulé I Walk, que l'on pourrait traduire ici tout simplement par Je Marche. D'ailleurs, même question, d'ailleurs, même question que tout à l'heure, est-ce qu'il y a un clip de ce morceau sur Internet ou pas ? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Même question que tout à l'heure, est-ce qu'il y a un est-ce qu'on a le droit à un clip sur Internet de ce morceau ou pas ? Alors, il arrivera en septembre. Ah non, c'est celui-là, d'accord, c'est celui-là qui arrive. Et c'est le bureau de Lilith qui se charge de la promotion de ce clip, ouais. D'accord. Il est en préparation. Ok. Donc, on va attendre septembre, du coup, c'est bientôt, ça approche à grands pas. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo, juste après I Walk de Toka Cake. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. vous êtes toujours en direct, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet www.radioguimauzo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Toka Cake avec leur morceau intitulé I Walk et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Pascal du groupe Toka Cake justement qui est là pour nous parler entre autres de leur album intitulé Enfermé. Et donc voilà, donc est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Pascal? Ah, très très bien, franchement, ça c'est très très très très très agréable. Même si ça s'est fait un peu au pied levé, je suis à l'aise et ça va bien, c'est cool. Parfait. Merci Chris. Pas de souci, avec plaisir et surtout merci à toi d'avoir répondu présent, du coup d'avoir remplacé Joe, c'est vrai, presque à la dernière minute, mais bon, malheureusement, on ne peut pas prévoir les imprévus du coup. Donc, même question que pour la première pause musicale, qu'est-ce que vous souhaitez raconter, ce que tu souhaites raconter avec Toka Cake dans ce morceau I Walk? Eh ben là, en fait, ça parle d'un voyage un peu pathologique, l'errance de certaines personnes qui, elles ont beau marcher, elles se perdent, en fait. D'accord. Dans un monde de fous, dans un temps fou, et c'est vrai que des fois, en fait, j'aime pas dire le mot système parce que il a une connotation de presque de dénonciation, alors que non, le système tel qu'il est, sans le juger d'ailleurs, il fait que on avance, et finalement des fois on voit plus l'essentiel en fait. Voilà. Et en fait c'est ça, je marche, je me perds. Ouais, je marche, qu'il fasse qu'il y ait du vent, de la neige, de la pluie, je marche, tout le temps, dans un monde de dingue, avec un temps de dingue, enfin bref, voilà. Et alors c'est moins vrai ce que ce morceau, il prend plus de saveur et peut-être il éclaire un peu plus les auditeurs, c'est que finalement le confinement nous a obligés un tant soit peu à s'arrêter. Justement. Et je pense que, pour ma part, on a tous constaté quand même qu'on était au quotidien, sans arrêt en mouvement, on marchait vers quelque chose, on ne sait pas quoi, mais voilà, une certaine routine, mais une routine un peu accélérée, hein, quand même, hein, des choses qui, finalement, on passe à côté de plein de choses dans sa vie. Parce que, justement, on est dans un système qui fait qu'on marche tout le temps. Et I Walk, c'était un peu dénoncer ça. C'était un peu mettre un focus sur cette... Sur ce fait-là, on va dire ça comme ça. Et puis, où finalement, certaines personnes se perdent. Et puis pour revenir, comme on disait tout à l'heure, là, I Walk par rapport à la pause musicale, la première pause musicale New Friends, c'est un style complètement différent, c'est un style plus calme, plus doux que New Friends. Ah bah là, pour le coup, oui. New Friends, c'est... Là, pour le coup, c'est de la rock fusion métal, on est vraiment dedans, là, c'est vraiment une balade. Voilà, c'est une balade et en même temps c'est la douceur de la marche en fait. c'est la douceur, je trouve que la musique va bien avec le texte parce que on dénonce quelque chose on passe à côté des choses parce que la musique est belle, mais pour ça pour Sirène à l'époque du Luis en fait. Voilà, on s'aperçoit plus trop ce qui se passe autour, on est attiré par ça, quoi. Mm-hmm. Et en fait, oui, ben ça va bien. Moi, je trouve que le morceau va bien avec. Et là, pour le coup, ça permet... parce qu'à force de marcher comme ça, sans savoir où on va, on arrive à se perdre soi-même, quoi. Et à force de marcher comme ça, sans regarder ce qui se passe autour de nous, là, c'est moins rigolo, ce que je vais dire, mais je le pense, c'est qu'on peut passer devant plein de gens qu'on voit plus, quoi. C'est vrai. Et pour ceux qui habitent dans les grandes villes, ça arrive souvent, quoi. On passe devant des gens, on marche, on regarde même plus qu'il y a quelqu'un qui est assis là, en galère extrême. Et quelque part, on se déshumanise en fait. Involontairement, hein, là, pour le coup, il n'y a rien de volontaire, hein, c'est inconscient tout ça. Mais des fois ça vaut le coup de s'arrêter, quoi. C'est vrai. Pour regarder le monde qui nous entoure. Exactement, exactement. En lisant quelques articles de presse, et notamment le dossier de presse que Géraldine, justement du bureau de Lilith, m'a gentiment envoyé en amont, on pourrait placer le groupe Tokka Cake dans la même famille que Mass Hysteria, dont on parlait tout à l'heure, ou encore No One Is Innocent, dont on parlait également tout à l'heure, qui sont, pour nos auditrices et auditeurs, deux groupes de métal pour l'un et de rock pour l'autre. Donc qu'est-ce que ça te fait, on va dire personnellement, et qu'est-ce que ça fait au groupe Tokka Cake de faire partie de la même famille que ces deux groupes de musique? Alors, est-ce que ça fait ça? Pour être très sincère, ça fait extrêmement plaisir d'être comparé à des groupes comme ça, parce que pour nous, c'est quand même des groupes impressionnants et voilà, avec un gros potentiel, on va dire, avec des gros bagages, hein, y a pas de problème. En fait, je pense qu'on se rapproche quand même plus de No One Is Innocent que de Mass Hysteria, mais au niveau du chant. Le chant, la musique s'approcherait de No One et le chant s'approcherait de Mal, en fait. Voilà. Un mélange des deux. Il y a plein d'influences, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a des influences plus profondes que ça en nous, mais le résultat final serait un peu dans cet ordre d'idée-là. Voilà. Avec des particularités, hein. Les morceaux qu'on vient d'entendre, ni l'un ni l'autre le jouera, hein, probablement. C'est vrai, j'imagine, oui. Donc, toujours en préparant cette émission, j'ai pu voir que malgré la violence, entre guillemets, de certaines notes de certains des morceaux de Tokka Cake, il y a cette volonté de mettre des mots sur les mots MAUX de notre société. Donc, est-ce que selon toi, tu dirais que la musique est un formidable accessoire pour appuyer sur des choses qui nous semblent importantes et ou anormales? Oui, bien sûr, ça sert à dénoncer des choses, ça sert plein. La musique, c'est un formidable outil de communication, hein, clairement. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça que dans les temps les plus sombres, les artistes n'existaient pas. Enfin, ils étaient très très contrôlés, accompagnés, parce que c'est quand même un moyen d'expression et un moyen de dénoncer les choses. C'est... J'en veux pour preuve, par exemple, hein, juste. L'anecdote, je sais pas si tu connais, Sixto Rodriguez, là, qui avait fait deux albums complètement inconnus en Amérique, et c'est sa musique, en fait, qui est arrivée en Afrique du Sud, a été l'icône et a donné l'idée aux Africains du Sud de se soulever face à l'apartheid, par exemple. Donc, quand on se rend compte que d'un morceau de musique, en fait, d'un album, est née l'idée à plein de jeunes de faire de la musique pour contester le système, parce que cet album parlait justement que c'était normal de contester un système. Et que eux, quand ils l'ont écouté, en fait, ils avaient aucune notion comment que c'était possible de pouvoir contester, en fait. Parce qu'ils étaient dans un système super autoritaire. Et je trouve que voilà, rien que ça, la musique a permis finalement, au bout du bout du bout, à faire prendre conscience à des gens qu'il fallait soulever face à un système autoritaire. Donc oui, la musique, c'est un formidable moyen pour faire passer des idées. Et justement, tant qu'à faire, autant que ce soit des idées qui rassemblent, des idées de tolérance, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans la musique de Tokka Cake, vous mettez également en lumière les dérives que l'on veut nous faire croire acceptables sur les négations successives de nos libertés que l'on voudrait nous imposer au nom de notre sécurité ou d'une pseudo-évolution qui ressemble fortement à une régression, pour reprendre les termes du dossier de presse que Géraldine m'a envoyé. Donc, est-ce que tu dirais que Tokka Cake est, en quelque sorte, un groupe à texte? Comme pourrait l'être un chanteur à texte. Oui, clairement, oui. Oui, oui. La réponse est oui. Je suis persuadé que si chacun des auditeurs s'amuse à isoler chaque texte et à regarder ce qui est écrit, chaque texte veut dire quelque chose. Il n'y a pas de... c'est prétentieux peut-être de notre part, mais là pour le coup je parle... C'est Joe qui compose exclusivement, donc c'est plus facile de parler de ça, parce que c'est pas moi qui compose, donc comme ça c'est clair. Mais Joe a une plume et réellement... Il n'y a pas rien sans rien, quoi. Je veux dire, il va pas écrire des phrases pour rien dire, en fait, voilà. Et j'ai même la problématique de l'album, si vous voulez tout savoir, c'est que des fois, elle veut trop en dire et qu'il faut synthétiser. Parce que tout passe pas, quoi. Voilà. Parce que, voilà, oui, il écrit, quand il écrit, c'est pour dénoncer des choses ou pour acter des choses ou pour rassembler les gens derrière des choses ou pour faire prendre conscience de certaines choses, suivant son point de vue, le point de vue que l'on partage, évidemment. Parce que voilà, on n'a pas la prétention d'avoir la vérité, hein. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais nous, on essaie d'éclairer un peu les choses et visiblement, ça fonctionne pas trop mal parce que les gens, à nos concerts, sont plutôt contents des paroles et bienveillants par rapport à ça. D'accord. Également, nous ne l'avons pas encore dit, mais dans l'album de Toka Cake, il y a des chansons en anglais et en français. Il y a en effet 6 titres en anglais et 4 titres en français. Mais que ce soit en anglais ou en français, il y a toujours cette volonté de parler de choses qui vous semblent anormales au groupe et de faire des appels à briser ces enfermements qui nous empêchent d'avancer, d'être libres et heureux. Donc pourquoi avoir fait ce choix de chanter dans ces deux langues, de faire de la musique en anglais et en français ? Alors, pourquoi en anglais et en français ? En français parce que bon, c'est notre langue maternelle à tous, déjà, aussi simple que ça. Sur l'EP, c'est l'inverse. Sur les 6 morceaux, il y en a 4 en français, 2 en anglais. Donc bon, ça équilibre un peu le répertoire. En anglais parce que déjà c'est un peu plus universel. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont à même d'écouter et de comprendre le texte. Et après, je pense que j'en suis même sûr, on s'en est aperçu du moins ça, dans le groupe, c'est que quand il écrit en anglais, c'est beaucoup plus personnel. Voilà. Ouais, c'est plus facile pour lui de se livrer en anglais qu'en français. Ah, c'est un exercice, hein. Et d'ailleurs, sur la préparation de deuxième album, là, il y a un morceau où il s'est lâché en français, franchement, c'est un bijou, quoi. Mais bon, je vais pas. on est en train de travailler, mais ouais, franchement, s'il arrive à faire ça, c'est vraiment. Et en anglais, je pense que c'est une façon de se protéger un petit peu. Parce que parce qu'en France, tout le monde ne comprend pas l'anglais, forcément. C'est vrai. Et pourtant, c'est très très intéressant ce qu'il dit en anglais aussi. Très très. Et comme nous venons de le dire, avec Toka Cake, vous nous appelez à briser ces enfermements qui nous empêchent d'avancer, d'être libres et heureux. Mais ces appels, est-ce qu'ils ne seraient pas à double sens ? En d'autres termes, est-ce que, avec Toka Cake, tu n'appelles pas d'un côté à ne plus nous faire mener par la baguette et de l'autre côté à avancer vers nos rêves ? Ouais, l'un peut aller avec l'autre. Hein. C'est pas au contraire, hein, avancer dans nos rêves et sans être mené à la baguette, tout va bien. Hein. C'est-à-dire, le projet de Toka Cake, c'est que finalement, soyons ce que nous sommes. Mmh. Hein, ne rentrons pas forcément tous dans des carcans. Ne stigmatisons pas forcément ce qu'on comprend pas. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Stigmatisons pas ce qu'on comprend pas. Parce que bien souvent, qu'on comprend pas, on a tendance à stigmatiser. Et comme je le disais tout à l'heure, on est quand même dans une société qui clive un peu, là. On est quand même dans un délire où la communication, là de moins en moins, il y a moins en moins de débats. D'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est ce qui est effarant, moi, je trouve, c'est que quand il y a des débats sur les réseaux sociaux, t'es d'accord avec moi, c'est que t'es avec moi, si t'es pas d'accord avec moi, c'est que t'es contre moi. Il n'y a plus de notion de débat, il n'y a plus d'espace où on peut échanger des points de vue complètement différents, argumenter sans se prendre la tête et sans forcément se cliver, quoi. Et nous on essaye au travers de la musique que ça soit universel et que ça regroupe vraiment tout le monde. Et qu'à la fin du concert, tout le monde reparte bras dessus, bras sous, l'image un peu, on reparte tous ensemble et pas clivés, pas divisés, quoi. Voilà. Et surtout que, comme tu le dis sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un débat, souvent ça part en insulte, parce que, je sais pas, les personnes se sentent en sécurité derrière leur écran, et donc, le fait de s'insulter sur les réseaux sociaux, je comprends pas l'intérêt, je vois pas, en fait, je vois pas pourquoi à quoi ça sert de s'insulter sur les réseaux sociaux. Mais, en fait, le problème, c'est qu'on apprend de moins en moins aux gens et aux jeunes, notamment, de débattre. S'ils sont que dans une émission de télé-réalité, en fait, où on n'est que des gens qui se prennent la tête, où c'est blanc ou c'est noir, il n'y a jamais rien d'autre, en fait. Mm-hmm. J'aurais tendance à dire que faut pas leur en vouloir, hein, ils font comme on leur a appris. Hein. C'est vrai. Voilà, c'est tout, un point. Hein. Et moi, je dis, il y a des, on est en train de perdre la notion de débat. C'est-à-dire un espace où on a le droit de ne pas être d'accord. C'est un fond. C'est, et c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que je t'apprécie pas. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on détricote le côté émotionnel du côté engagement et vision des choses. Parce qu'en plus, on a tendance tous, j'ai vu à la télé, j'ai vu ça, j'ai vu ça, on a tous la science infuse, notamment sur les réseaux sociaux, là. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Y a-t-il une vérité, d'ailleurs? Ça, c'est une vraie question de philosophie, hein. Ah bah oui. Si on était 10 dans une pièce et qu'on passe, qu'on interroge 10 auditeurs qui ont suivi notre interview, et qu'on leur demande de faire une synthèse de l'interview de l'après-midi, là, il est probable que dans les 10, il n'y ait pas la même chose. Pourtant, ils ont tous, c'est la vérité. C'est comme ça qu'ils l'ont ressenti. Bien Pourtant, sûr. Ils ont tous dit la vérité, mais c'est pas la même. Bah, c'est ça. C'est vrai que c'est très complexe et très, très abstrait, du coup, la notion de vérité. Ah, c'est surtout comment on fonctionne, en fait. Hein. Il y en a qui sont plus tactiles, donc qui sont plus auditifs, donc qui sont plus visuels. Donc forcément, on fonctionne pas tous pareil. Mmh. Et ça crée des sensibilités différentes. Bien sûr. Donc il est 14h51 déjà, donc avant d'aller plus loin à nouveau, je te propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de l'album de Tuka Cake Enfermé, histoire de reprendre notre souffle et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 3 de cet album. Alors, on va écouter, c'est un morceau en français, c'est le morceau intitulé Droit Chemin. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute ce morceau Droit Chemin? Très très bien, Droit Chemin, allons-y. Parfait. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Moka Cake avec leur morceau Droit Chemin sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Pascal du groupe Toka Cake justement qui est là pour nous parler de leur album intitulé Enfermé. Tout est toujours bon pour toi ? Ouais, impeccable, tout va bien. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais. Quel est le message, s'il y en a un, que tu souhaites faire passer, enfin que vous souhaitez faire passer avec Toka Cake à travers ce titre Droit Chemin ? Ah ben là, pour le coup, ça corrobore tout ce que j'ai dit juste avant. En fait, c'est comment, au travers de discours des fois démagogiques là, qui clivent, hein, toujours la même stratégie en fait, comment on est capable justement d'accepter de vivre des choses qui ne seraient pas acceptables en temps normal. J'en parlais tout à l'heure, quand tu croises des gens qui sont en extrême nécessité ou en extrême souffrance et que finalement tu les vois plus. Si je vais voir n'importe lequel d'entre nous et que je lui dis comme je te le dis là, je suis sûr que tu te dis non, c'est vrai, il a raison, et pourtant, tous les jours ça nous arrive et on n'a pas ça à l'esprit parce que on nous a, par le biais de clivage, par le biais de discours un peu démagogiques, là, habitué à ce qui n'est pas normalement acceptable, quoi. Voilà. Et Droit Chemin, c'est tout à fait ça. Ça revient là-dessus, sur justement l'intérêt qu'ont certains de cliver les gens, en fait, hein, puisque le plus grand nombre, je le répète, hein, l'homme est fabuleux. Voilà, la grande majorité des gens, ils sont fabuleux. Et pourtant, une minorité qui ne l'est pas, là, pour le coup, arrive à majoritairement cliver les gens, à presque à ce qu'ils s'engueulent, à ce qu'ils se fassent la guerre même. Et tout ça pour que, finalement, pour que ça fonctionne comme ils ont envie, mais c'est au détriment de nos libertés quand même. Que ne serait-ce que nos libertés d'être, tout simplement. D'accord. Si nous voulons, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, si nous voulons nous procurer l'album, par exemple, comment pouvons-nous nous faire ? Pour procurer l'album ? Oui. Il faut aller à la Fnac, le commander, tout simplement. N'importe quelle Fnac, alors il y a certaines plaques qui l'ont en stock, mais sinon sur comment il n'y a aucun souci. Sinon aller sur les plateformes Deezer, Spotify, hein, toutes les plateformes, la 150 je crois, pour avoir notre CD. Et sinon, venir, on en vend en concert aussi. Hein. D'ailleurs, puisque c'est la radio est située dans le Grand Est, on joue à Belfort fin septembre et probablement à la laiterie de Strasbourg au mois de juin 2022. D'accord, on va rester à l'affût. Donc du coup, au niveau projet futur, donc la reprise des concerts. Ah ça oui, ça a commencé le week-end dernier, là. Enfin il y a 15 jours, sur un rassemblement de motards, Harley Davidson. Là, samedi, on joue au Musique sur 16 Festival, sur notre région, Occitanie, là. Et après, on a 2-3 dates au mois d'août et septembre de prévu, et probablement la fête de l'Humain avec la certitude, hein, puisque on a appris la semaine dernière que finalement elle se tenait, mais à une jauge réduite, alors on ne sait pas trop comment ça va se passer là, pour le coup. On est un peu dans l'attente. Sinon on a beaucoup de dates à la rentrée en 2022 en fait. Voilà, là il y a un gros trou où tous les festivals, tout ça sont relancé pour l'année 2022 et pour la fin 2021 c'est un peu plus compliqué, mais bon on va refaire une résidence parce que du coup on a quand même pas mal de choses à préparer, donc voilà. D'accord. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois Pascal d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi Chris de nous avoir invités, c'est toujours plaisir. Merci au bureau de Didit, bien comme sûr. Tu l'as fait au départ, je le remercie encore Géraldine pour son travail. Et d'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique juste après le générique avec Nina Simone et son titre Ne me quitte pas. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai, toujours dans le partenariat qui existe entre Radio Guémozo et le bureau de Lilith, Guillaume du groupe Les Idiots, qui sera là pour nous parler de leur album sorti il y a peu de temps. Voilà, et lundi, il n'y aura pas d'édition de Fréquence Libre parce que j'ai un imprévu, mais je vous passerai quand même une petite rediff pour ne pas vous laisser sans rien. Donc voilà, je vous remercie encore de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup, je vous dis à mardi. Donc salut et à mardi, du coup. Au revoir.